cours numéro 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Famadha akhadna fi akhir ad-dars? Qu'est-ce qu'on a étudié ensemble le dernier dars? Tfaddalou. Nah, indak. نعم. Donc la sixième condition, الصدق. المنافي لماذا؟ الكذب. الكذب. ما الدليل؟ C'est quoi la preuve على هذا الشرط؟ تفضل. نعم. قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن السنة. تفضل. صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. أحسنت. صدقا من قلبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم إلى ستة لا كونديسيون. من ما من أحد يشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ça c'est الشهادة. ثم لا كونديسيون صدقا من قلبه. أي il est véridique. Qui c'est qui prononce cette شهادة? Il y a une catégorie de personnes qui prononcent cette shahada et ils ne sont pas véridiques. Man hum? Al-munafiqoun. Na'am. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an fadahahum. Wa minan nas man yaqulu amanna billah wa bil yawm al-akhir wa ma hum bi mu'minin. Ils prétendent être des mu'min, donc ils prononcent la shahada. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala il a démontré annahum, ce n'est pas des mu'minoun. Pourtant ils prononcent. C'est quoi la différence entre le mu'min et le munafiq? Indak? C'est quoi la différence entre le mu'min et le munafiq? L'ikhlas. Hein? As-sidq. Ou l'ikhlas. Kadalik. Donc c'est un shart muhim. Al-shart al-sabi' ma hu? Ah, indak? Al-mahabba. Al-mahabbatu, na'am. Et le contraire de al-mahabba? Al-bughd. فَمَنْ أَحَبَّ هَذِهِ الْكَلِمَةِ avec les autres choses, bien sûr, فَقَدْ حَقَّقَ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ أَمَّا مَنْ أَبْغَضَهَا وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ أو أَبْغَضَ شيء من الإسلام فهذا ستام مؤمن. Celui qui déteste le Rasoul, عِيَدًا بِاللَّهِ أو déteste la Sharia الإسلامية أو déteste une chose qui fait partie du dîn et il sait que ça fait partie du dîn, فهذا ناقض إسلام. Pourquoi? لأن المسلم il aime Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le Rasoul, il aime le Shahada, il aime le Dîn, même s'il a des faiblesses. أما détester, là détester ça montre que le cœur فيه مرض. كذلك يحب من آمن بهذه الشهادة, يحب المؤمنين ويبغض من حارب ولم يؤمن بهذا الدين الكفار. Il aime les mu'minins, il déteste les kafirins. Al-wala'u wal-bara. Et on avait détaillé, walillahi alhamd, hadayn al-shartayn. Wa ba'd al-ulama, rahimahumullah, wa hafidh al-ahya, minhum, ils ont rajouté un shart, al-thamin, wa huwa al-kufr bil-taghut. Certains savants, ils ont rajouté une huitième condition, al-kufr bil-taghut. واستدلوا بقول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Et se sont basés sur ce verset. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى c'est لا إله إلا الله. Et Allah سبحانه وتعالى في هذه الآية il a cité comme شرط الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وكذلك استدلوا بحديث. Ils ont cité comme preuve كذلك pour cette huitième condition. نعم حديث طارق ابن أشيم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله رواه مسلم. Donc من قال لا إله إلا الله ثم النبي صلى الله عليه وسلم الى سيت لا كونديسيون وكفر بما يعبد من دون الله اي يكفر بالطاغوت يدتست الشرك يدتست et il sait que tous les adhyan toutes les religions en dehors de l'islam c'est du batil et tous ceux qui adorent autre qu'Allah ils adorent cette chose bi batil et si cette chose qui est adorée en dehors d'Allah azza wa jall elle accepte cette adoration elle appelle à être adorée c'est un tagout. On fait cette précision, لِأَنَّ لَيْسَ كُلُّ مَنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ طَاغُوتًا. C'est pas tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah, c'est des tawarites, là. Isa, alayhi salam, il est adoré en dehors d'Allah, azza wa jal. C'est un rasoul, min ulil azm, alayhi salatu salam. Donc, al-tawarites, c'est ceux qui appellent à être adorés. أَمَّا كَمْ مِنْ أَنْبِيَا وَرُسُلْ بَعْضَ الصُّحَابَ بَعْضَ الصَّالِحِينَ بَعْضَ الْعُلَمَا, ils sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, ils sont innocents. Al-Mushrikoun, c'est ceux qui les adorent. Ammahum, ils sont innocents. Ils ont montré à leur qawm, ils ont montré al-Tawhid, ils ont mis en garde contre le shirk. Lakin, al-Shaytan, il a embelli à ha'oula d'adorer al-Salihin. Que ce soit des rasoul, des anbiya, ou ulama. Donc, parmi les conditions de la ilaha illallah, wa'aduhum, ils ont rajouté al-Kufra bil-Ta'ud. Aïe, adorer Allah seul, et al-kufr bil-ta'ud, mécroit à tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et savoir que c'est batil. Et il ne fait shirk, détester shirk et reconnaître que shirk c'est batil, ça ne fait pas partie de notre dîn. Et fil haqiqa, hada shirt, ça rentre fil ikhlas. C'est pour ça que ba'd al-ulama, ils ne l'ont pas cité. Si tu médites bien dans les premiers shurut qu'on a vus, Al-Ikhlas, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala seul et tu t'écartes du shirk. Falabud min al-kufr bil-ta'ud pour haqqaq al-Ikhlas. Falihada, ce verset, c'est min adillat al-Ikhlas. Faman yakfur bil-ta'ud wa yu'min billah. C'est ça l'Ikhlas. Et vous vous rappelez que fi la ilaha illallah, on avait cité les deux piliers. Qui c'est qui les répète? Les deux piliers de la ilaha illallah, arkanu al-shahada, le premier, indak. النفي لدوزيام الإثبات ما معنى النفي عندك نية. نعم نية ماذا نعم تنفي جميع ما يعبد من دون الله أي أنه لا يستحق أو لا تستحق هذه الأشياء العبادة فمثلا ceux qui adorent une tombe un mort un prophète un ange فنحن ننفي هذا on dit que c'est باطل c'est faux. Ça ne fait pas partie de notre dîn. Fafil haqiqa, hada al-nafi, c'est le kufr bil-ta'ud. Et hada, on l'a vu fil ilm. Et on l'a vu kadhalik fi al-ikhlas. Kadhalik fil mahabba. Anna celui qui aime cette kalima, il doit détester mada? Kufr al-shirk. Naam, il doit détester le kufr. Ou al-shirk. Liannahu, il aime cette shahada, il aime le tawhid. Il déteste son contraire. C'est pour ça qu'on a dit shartul mahabba. Al-Munafi, l'il-Bughd. Donc, ce short, بعض العلماء ils l'ont rajouté, et بعض العلماء ils ne l'ont pas rajouté, ou Al-Amr al-Sahr. La mushahatu fi l'istilah, comme ils disent. Il n'y a pas de mal, fi hada. بعض العلماء ils disent 8, 7. L'essentiel, c'est que tu as compris, et ceux qui ont rajouté le 8e, ils ont cité une preuve. Donc, il n'y a pas de mal, ça fait partie de notre dîn. Ceux qui n'ont pas cité le 8e, ils l'ont cité avec l'ikhlas ou l'mahabba, et ils ont cité le même dalil. Donc, qu'on dise 8 ou 7, il n'y a aucun mal. Mit l'aqsam al-tawhid. Wa'aduhum, ils ont dit que le tawhid est qasim ila thalatati aqsam. Tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma al-sifat. Wa'aduhum, ils ont dit qu'il est qasim ila shartain, faqat. Na'am, al-ma'rifa et al-talab ou al-qazd. Al-ma'rifa, c'est al-rububiyya et al-asma al-sifat. Al-talab ou al-qazd, c'est al-uluhiyya. C'est le but d'adorer Allah Azza wa Jal seul. Le premier, le ma'rifa, est reconnaître que Allah c'est le Rabb. Il n'y a aucun mal. Tu le divises en deux, tu fais rentrer al-rububiyya ou al-asma al-sifat dans un qism et un autre al-uluhiyya, ou en trois, tu sépares al-uluhiyya ou al-rububiyya ou al-asma al-sifat, il n'y a aucun mal. Les adillas, les preuves, c'est les mêmes et le sens, c'est le même. C'est pour ça que les ulama yaqulun la mushahatu fil istilah. Il n'y a pas de mal fil istilah tant que c'est fondé sur un délit. Tu trouves Kathir, un barbe, ulama, il dit cette chose, elle se divise en trois. Tu trouves un autre groupe de savants, il dit cette chose, elle se divise en deux. Haqiqa, c'est le même kalam. Sauf que, ha'oula, ils ont classifié d'une manière et d'autres ils ont classifié d'une autre. Il n'y a aucun mal. Hada, c'est un tambih par rapport à ce shart. Et, walillahi alhamd, on l'a détaillé. فالإنسان يحذر من الجدال في مثل هذا. On fait attention au jidal. بعضهم pourquoi un tel l'a cité 8, بعضهم il rajoute, بعضهم il enlève. Là, l'insan, talib al-ilm, il reste sur ces choses que l'ulama ils ont cité 7 ou 8. Et là, نكثر من الجدال في هذا. بعضهم يكثر من الجدال ثم il a des doutes, ثم il renie certains shorts, ثم il veut rajouter. Pourquoi ils n'ont pas rajouté هذا? Ya akhi yakfi, l'ulama ils ont accepté ces choses. Cheikh Abdurrahman ibn Hassan il les a cités في قرة عيون الموحدين في فتح المجيد. العلماء ils les ont accepté, ceux qu'ils ont rajouté 8, le 8e. Là-bas, ceux qu'ils ont laissé 7, ils l'ont cité dans les autres. Il n'y a aucun mal. Al-insan, il fait attention min al-jidal dans ce genre de masail. Hatta ba'du ad-dullal ankaru taqsim at-tawhid al-mashhur. Avec les ulama, ils ont divisé le tawhid en trois catégories. Ba'duhum ankar had min ahli al-ahwa. Pourquoi li'an al-jidal? Et pourquoi? Parce qu'ils ne reviennent pas à ahli al-ilm. Et ils font passer la raison avant les textes. Fa yanharifun. Nahnu fa attention. Les ulama, ils ont cité hada. Al-ummah, elle a accepté hada. Combien de savants ils ont expliqué ces shurut et ils les ont propagés? Falhamdulillah. Et on répète que ces shurut, c'est bil-istiqra. Al-istiqra, ça veut dire, ça vient de l'qira'ah. Et les ulama, ils se sont aperçus que dans les textes, il y avait beaucoup de preuves qui citaient ces shurut. Il y en a wahad, il peut dire, pourquoi vous citez toujours ces shurut? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a pas cités. As-sahaba, ils les ont pas cités. Hada, c'est min al-jahl. Les anna al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il les a cités. Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi. Il a cité le sidq. Khalisan min qalbihi. Il a cité al-ikhlas. Wa kafara bima yu'bad min dunillah. Il a cité le kufr bil-ta'ud. Lakin al-alim, il prend ses adillah et il te les classifie dans un ordre. Il te dit, maintenant, le premier shart, al-ikhlas. Et il te cite la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'y a aucun mal. Et le savant, il te facilite. Mit l'aqsam al-tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais dit que le tawhid, il se divise en trois catégories. Mais tu as des textes qui montrent que Allah c'est le Rabb, qu'Allah c'est lui qui mérite d'être adoré seul, et Allah, il a des noms et des attributs. Enfin, le savant, il te montre. Hada, c'est un genre, une catégorie, et l'autre, c'est une autre catégorie. Fala, il n'y a aucun mal. Amma ba'dhum yujadil. Pourquoi, comment, et à la fin, Rabbama, il renie le qism et il s'égare. Hada, c'est muhim. وبعض العلماء كذلك ils ont cité ces shurut sous forme de vers de poésie et ça c'est طيب pour les apprendre. ومنهم الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه قال العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Il a cité tous les shurut dans deux vers de poésie, c'est beaucoup plus simple à apprendre. Al-ilm wal-yaqin wal-qaboul, il a cité les trois shurut. Al-ilm, la science. Al-munafiya lil-jahl. Al-yaqin, la certitude. L'inverse, le contraire, c'est al-shak, les doutes. Al-qaboul, et accepter cette kalima. Le contraire, la rejeter. Wal-inqiyad ou fadri ma aqoul. Kadhalik, il a cité shart al-inqiyad, se soumettre. Thumma, deuxième vers, wal-sidq wal-ikhlas wal-mahabba. Al-sidq, la véracité. Le contraire du mensonge, al-ikhlas, le contraire du shirk, al-mahabba, l'amour, le contraire de l'bourd, à y détester. Wafaqaq Allahu lima ahabba. Oma, il fait un dua, rahmatullah alayhi. Aba'aduhum, celui qui veut ce bayt pour l'apprendre, à ses vers de poésie, inshallah, on vous les dictera à la fin du dors. Wa'aduhum zada ashtart al-thamin. Certains, ils ont cité des vers de poésie en rajoutant le huitième shart. فقال وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِهَا علم ويقين وإخلاص وصدقك مع donc العلم واليقين والإخلاص والصدق ثم قال محبة وانقياد والقبول لها محبة انقياد والقبول les sept il les a cités dans un vers ثم le huitième وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِهَا. Le huitième, الكفر بالطاغوت. Apprendre sous forme de poésie, c'est beaucoup plus simple. وهذا معروف عند العرب وعند طلبة العلم. C'est pour ça que les ulama, beaucoup de matières في العلم,

tu aideras les autres. قال وكلما رأيت في نفسك نقصا حيال أي شرط من هذه الشروط راجعت نفسك وراجعت إيمانك لتعلم بأن الإيمان يزيد وينقص وتخاف على نفسك من النفاق. كذلك on n'est pas à l'abri. Même si tu connais ces chourouts, احذر, fais attention à النفاق, الرياء, l'ostentation, vouloir se montrer. Fais attention à حقق الإخلاص. Et comme a dit Cheikh Mohamed Aman, rahmatullah alayhi, l'iman yazid ou yanqus. Il t'a fait un tambih, il y a ses shurut, ba'd al-nas. Et on a expliqué dans plusieurs shurts, on n'est pas tous au même niveau. Quand tu sens, min nafsik, que tu as une baisse de foi et que tu as un problème, tu as certains manquements dans ces shurut, fais des efforts. Wa la ta'man ala nafsik, ne te crois pas, ne te sens pas à l'abri. Fa'ba'd al-tabi'in, ils ont rencontré as-sahaba ou certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient tous peur de tomber fin nifaq. Pourtant c'est les compagnons du prophète alayhi wa sallam. Certains d'entre eux, qu'Omar radiyallahu anhu basharahu bil jannah, ta'lamoun Omar le statut qu'il avait, ma'a hadha, il avait peur de faire partie des munafiqin. Hatta marra dhahaba ila Hudayfa, il est parti voir Hudayfa et il lui a demandé: est-ce que son nom il est cité dans la liste des munafiqis? Lianna Hudhayfa radiyallahu anhu, il avait une liste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a montré, na fulan simuna al-munafiqin fulan. Omar il demande à Hudhayfa, il a peur de faire partie de haoula. Ma'a annahu basharahu bil jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a annoncé qu'il rentrait fil jannah, lakin iman wa ikhlas. Fal hadhar min al-ightiran, nahnu dawa faire des efforts. Dawa faire des efforts khassatan fi at-tawhid. Lianna al-inhiraf fi hadha al-bab c'est khatir. S'égarer via le bab fi tawhid, c'est très très dangereux. Qala rahimahullah alladhi la yakhaf ala nafsihi min an-nifaq lam ya'rif al-islam haqq al-ma'rifa. Celui qui n'a pas peur ala nafsihi min an-nifaq, il connaît pas l'islam. Il connaît pas l'islam. Nahnu on n'est pas à l'abri. Hadhihi shurut, on doit être sincère, faire des efforts fi al-'ilm et faire des efforts fi al-'amal. Et c'est la première chose qu'on doit travailler, corriger et améliorer. قال كل إنسان عرضة للنفاق لذلك ينبغي أن يراجع الإنسان هذه الشروط بأدلتها ويحافظ على إيمانه. On n'est pas à l'abri. فلهذا on doit faire des efforts في هذه الشروط. الأدلة. Est-ce qu'on les a bien compris? Est-ce qu'on applique? كذلك notre da'wah est fondée sur هذا. أولا on appelle les gens au tawhid. أنهم يدلسوا l'adoration des tombes, des saints, des awliya. Et ils placent leur confiance en Allah. Et ils tahqiqent le tawhid. Il y en a fi tahqiq tawhid, tahqiq. Hadihi ash-shurut. Wa yuhawil an yazidahu bi ta'atillah. Wa ikthar al-dhikr. Wa ikthar tilawat kalamillahi ta'ala bi tadabbur wa ta'aqqul. Kadhalik ce iman, tu vas le faire monter. Bi ta'atillah. Tu fais des efforts fi ta'atillah. Tu t'éloignes de l'ma'asi. Et tu fais des efforts fi ta'atillah bi qadr. Al-istita'a kadhalik al-dhikr. Faire des efforts, faire des kadhalik tilawat al-Qur'an. Tout ça, vous avez remarqué que tu as besoin de temps. Si tu es occupé par dunya, on fait attention à l'hadr, kadhalik, dunya, c'est très très dangereux pour le mu'min. Dunya, on doit s'en servir pour l'akhira, nahnu. C'est pas haram de travailler, c'est pas haram de faire des choses mubah. Lakin, attention que ça passe pas avant din. Attention que à cause de dunya, on fait des concessions sur notre din. C'est là le fitna. Donc, ce temps que tu auras de libre, s'il n'est pas occupé bi ta'atillah, bil ilm, bil dhikr, bil Qur'an, il sera occupé par autre chose. Ni'matan maghbounun fihima kathirun minan nas, qala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Deux ni'mat, kathirun minan nas, ils sont perdants. Et ils ne donnent pas le haq de ces deux ni'am, deux bienfaits. As-sihhatu wal-farah. La bonne santé et le bon temps. Enfin, profite-en, akhil karim. Un jour arrivera peut-être que tu n'as plus de temps, tu es occupé par beaucoup de choses. T'as des responsabilités que t'avais pas. Peut-être qu'un jour, Allah t'éprouve avec une maladie, t'as plus de temps. Ahyana, tu trouves plus le temps, l'Obama, d'ouvrir un livre, d'assister à un cours. Enfin, profite-en. Kadhalik, hadha al-ilm, il faut faire des sacrifices. C'est pas la première chose qui vient nous occupe. Plus de doros, plus de révision. Je suis occupé. Tout le monde est occupé. Lakin, il y a des priorités. Nahnu, notre priorité, ça doit être le tawhid. Si on met notre priorité de tawhid, et tout le reste, on le base par rapport à ce tawhid, tayyib. Comme ça, on avancera. قال هكذا نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الثبات على فهم هذه الشروط وتطبيقها. شيخ محمد أمان يكونكلو son شرح avec هذا الدعاء العظيم. Qu'Allah nous facilite la compréhension de ces شروط أولا et l'application. والشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه dans son كتاب النافع معارج القبول il a écrit une poésie في التوحيد elle ressemble à الأصول الثلاثة et il a écrit un شرح lui-même الشيخ حافظ رحمة الله عليه. Et c'est l'auteur de notre risala qu'on étudie ensemble. Il a écrit le sharh de Sulam al-Wusul, Ma'arij al-Qabul. Faqala, et c'est un tambih important, il va faire une remarque par rapport à ces shurut. Wa hadhihi shurut as-sab'a lam tanfa' qa'ilaha bin-nutq mujarradan illa hayth yastakmiluha ay hadhihi shurut as-sab'a. Donc, ça ne suffit pas de prononcer al-shahad. Il faut haqq ces conditions. قال ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد لأن il faut pas comprendre de l'istikmal elle est parfaire de ne pas comprendre que tout le monde est au même niveau. Alors celui qui a une baisse de foi أنه c'est plus un مسلم. لا ça c'est عقيدة الضلال الخوارج والمعتزلة. أما نحن أهل السنة لا استكمالها أي avoir tous ses شروط. فمثلا لو واحد il a tous les شروط sauf المحبة. Et في الحقيقة, on a déjà vu, on a les shurut, ils sont liés. لكن si on قدر أن واحد il a tous les shurut sauf المحبة, il lui est d'aucune utilité. Il déteste la kalima ou il déteste quelque chose de من الإسلام, il sait que ça fait partie de l'islam. لا تنفع. On est obligé d'avoir tous les shurut, ils sont liés. قال ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها. كذلك faire attention ne pas annuler ce shurut. Avoir le shurut, la condition, l'appliquer et l'annuler. مثلا واحد الى شرط الاخلاص عياذا بالله الا نل بشرك il égorge pour autre qu'Allah, il a annulé l'ikhlas. L'ikhlas c'est adorer Allah seul, il a adoré autre qu'Allah. On fait attention كذلك de préserver ces shurut. قال وليس المراد من ذلك عد الفاظها وحفظها. Et ça c'est important, ne pas croire que l'essentiel c'est de connaître ces shurut dans l'ordre, le premier shart l'ilm, le deuxième shart al-qabul, le troisième shart avec l'adilla, connaître par cœur. C'est pas ça le but. Ça, c'est taïb. Il y en a, ça va t'aider à, si tu les connais par cœur et tu les comprends, ça va t'aider à appliquer. لكن قال فكم من عام اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك. كم من عام un jahil مسكين. Il fait partie de la masse des musulmans, il n'a pas étudié. Probablement, il ne sait pas lire et écrire. Et il applique tous les shurut. Si tu lui demandes, ou si tu lui cites c'est quoi, tu lui demandes c'est quoi shurut la ilaha illallah, il ne pourra pas te répondre. Il ne sait pas de quoi tu parleras. Lakin, c'est un mu'min. L'imam, il applique. Ce ami, maintenant, on lui demande les shurut, il ne va pas te les citer. Lakin, si tu regardes son hal, est-ce qu'il est mukhlis? Na'am. Il adore Allah seul. Est-ce qu'il aime l'islam? Il aime cette kalima? Na'am. Est-ce qu'il est soumis? Na'am. Est-ce qu'il l'a accepté? Na'am. La preuve, il l'a prononcé. Donc, c'est un mu'min. Ne pas croire en nas, si on parle avec un musulman et il ne connaît pas les shurut, et il ne sait pas les citer, أنه, c'est pas un musulman. قال فكم من عام اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له عددها لم يحسن ذلك. لكن c'est طيب نحن en tant que دعاه الى الله عز وجل de propager هذا avec l'adilla. Même si tu ne propages pas en disant شرط الاول كذا, لكن tu montres أنه الإخلاص c'est important, c'est la base de notre dîn, أن القبول faire attention de ne pas détester شيء من الإسلام etc. قال وكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم. Et combien de personnes شيخ حافظ الحكمي يقول أنهم ils ont appris ces choses par cœur. لو tu lui demandes il te récite les vers de poésie, il te les récite واحد واحد, il te cite un délil. لكن قال وتراه يقع كثيرا يناقضها والتوفيق بيد الله. لكن tu le trouves أنه il contredit ces choses أو certains أو un شرط alors qu'il les connaît par cœur. فالعبرة c'est بالعمل, c'est بالنية, c'est بالإيمان. أما les cités فهذا ربما طلبة العلم اللي connaissent certains عوام اللي connaissent pas, لكن ولله الحمد ils aiment cette كلمة et ils appliquent ces choses. فهذا c'est un تنبيه مهم. فالحمد لله على هذه النعمة, c'est une نعمة عظيمة هذا التوحيد. Celui qui comprend, qui l'applique, c'est une ni'ma azima. Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, il a fait beaucoup d'efforts fi hada, et il a écrit plusieurs ouvrages, et il a consacré sa vie à ce tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala rafa. Allah il l'a élevé. Qala rahimahullah fi ad-durr as-saniyya, il te montre l'importance de ces shurut, l'importance de la ilaha illallah. Qala la ilaha illallah shajaratu as-sa'ada. Il compare la ilaha illallah à un arbre. Shajaratu as-sa'ada. As-sa'ada c'est le bonheur. Et fil haqiqa ce mithal, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il l'a pris min al-Qur'an al-Karim. Qala 'azza wa jalla ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. العلماء يقولون الشجرة الطيبة لا إله إلا الله. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كلمة طيبة أي لا إله إلا الله كشجرة طيبة كما النعم. الله سبحانه وتعالى compare cette كلمة أي لا إله إلا الله النعم أصلها ثابت des racines solides ou فرعها في السماء. قال شيخ الإسلام إن غرستها في منبة التصديق وسقيتها من ماء الإخلاص ورعيتها بالعمل الصالح رسخت عروقها. Cet arbre, si t'en prends soin, et cet arbre il est planté في منبة التصديق. Comme un arbre, s'il est planté dans une terre qui est faite pour cela, une terre qui accepte. Il y a des terres, Obama, si tu veux cultiver, ça ne marche pas. Si elle est plantée, si même bête tosdiq, il compare la terre au tosdiq. Cet arbre, tu as besoin de l'arroser. Un arbre, tu l'arroses avec de l'eau. Hadihil kalima, tu l'arroses avec l'ikhlas. Cet arbre, il a besoin d'un entretien. Il doit être arrosé, tu dois couper certaines choses, tu dois faire attention au froid, au vent. هذا معروف. فهكذا هذه الكلمات tu dois faire attention, tu dois la préserver بماذا؟ بالعمل الصالح. قال رسخت عروقها. Si tu fais ces choses, et في الحقيقة c'est l'application des شروط. التصديق ça fait partie des شروط. الصدق كذلك القبول. الإخلاص c'est un شرط. La محبة. Tous les شروط qu'on a vu. Si tu appliques هذا, قال رسخت عروقها. وثبت ساقها. Cet arbre, l'un, il aura des racines, des fondements solides. وَخْضَرَّتْ أَوْرَاقُهَا وَأَيْنَعَثْ ثِمَارُهَا وَتَضَاعَفَ أَكْلُهَا. Si tu prends soin de cette chajara, tu l'arroses, t'en profiteras. La bonne odeur, probablement des fruits. فَهَكَذَا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ. Celui qui fait attention, il fait des efforts, il profitera. فِي الدُّنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ثم قال نختصر وإن غرست هذه الشجرة في منبت التكذيب والشقاق وأسقيتها بماء الرياء. بعضهم cet arbre il est planté dans une mauvaise terre, التكذيب et les doutes. كذلك il l'arrose avec الرياء pour se montrer devant les gens. أي il manque الإخلاص. والنفاق وتعاهدتها بالأعمال السيئة والأقوال القبيحة. كذلك un mauvais comportement, des mauvais أعمال. فتساقل تناثرت ثمارها وتساقطت أوراقها وانقشع ساقها وتقطعت عروقها. ربما ستعبر إمر. أما سيمون دي شروط فلا شك أن لا إله إلا الله لا تنفع. C'est comme une personne cet arbre il l'arrose plus. Arrosé on a dit بشرط الإخلاص. S'il arrose plus ربما ستعبر إمر. هكذا لا إله إلا الله. Tout ça cette نصيحة que Cheikh l'Islam il fait pour te montrer, ce n'est pas suffisant de prononcer. Et on ne doit pas croire qu'on a prononcé cette kalima, automatiquement on va mourir à la tawhid et on va rentrer fil jannah. Ah, on demande à Allah salam et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala tawfir. On fait des efforts. Et celui qui fait des efforts, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite. Qala, tanatharat thimaruha wa tasaqatat awraquha wa anqasha'a saqaha wa taqatta'at 'uruquha wa habat 'alayha 'awasif al-qadr. الأوساخ ومزقتها كل ممزق فربما ستعبر إلى دتخوي كم لا إله إلا الله واحد يبلا prononcer et lui est d'aucune utilité. ثم il a cité le verset وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء منثورا. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة certaines personnes tous les عمل qu'ils ont fait الله سبحانه وتعالى il leur annule يوم القيامة. Salat, hajj, siyam, beaucoup de choses. Yawm al-qiyama, il ne trouve rien. Limada? Li'annahu, il a annulé tout ce khayr, toutes ses œuvres, tous ses efforts, il les a annulés avec un annulatif de la ilaha illallah. Shirk, ou s'est moqué du din, ou il a renié quelque chose qui fait partie de notre din, ou il détestait le din. Muhim, les annulatifs qu'on récapitulera, inshallah ta'ala, dans. On voulait récapituler l'yom, lakin fil haqiqa, c'est mieux de les récapituler à la fin. Léanna, ces annulatifs, kadali, c'est des annulatifs de la deuxième shahada. Donc le mieux, c'est de les citer à la fin pour démontrer anna, c'est des annulatifs de ces deux shahada et de l'islam. Hada, wallahu ta'ala, al-muwaffiq. Réviser ces shurut, celui qui peut apprendre au tayyib, et faites des efforts pour comprendre le shart. Maintenant, l'ilm, c'est quoi l'ilm? C'est le ma'na. Qu'est-ce que ça veut dire? La ilaha illallah, et la ma'bouda haqqun illallah. Le contraire, c'est le jahl, l'ignorance. Thumma, tu apprends un dalil min al-Qur'an, si tu peux, fa'alam annahu la ilaha illallah, et tu apprends un dalil min al-Sunnah. C'est comme ça la révision. Hala tukthir. Révision, n'essayez pas de tout apprendre, tout ce qu'on a dit, tout ce que vous avez noté là. Les révisions, ça doit être bref, concis, précis. Shart, définition, un dalil min al-Qur'an, un dalil min al-Sunnah. Thumma le reste, ce qu'on a ajouté, le kalam ahl al-ilm, etc. Fahada, alhamdulillah, c'est compris. Hatta, inshallah, si on a du temps, on fera une révision. Ou on laissera la révision à la fin du livre. On fera une révision de la ilaha illallah et de Muhammad, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Naktafi bihada al-qadr.